passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Allez, allez, allez. Let's go. Rail Suprême. 2 heures, DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? Non, vous êtes relou aussi. Attends, calmez-vous. Détente. Bienvenue et bonne soirée. Comme chaque dimanche soir, c'est DJ Case qui est là. Eh ouais, on est pour là. Rail Suprême. Et c'est déjà la dernière de la saison, ouais, Case. C'est la dernière de la saison. Tu vas où cet été, Case? Bah, cet été, on va partout. On va partout. Bah, ça va être principalement bassin méditerranéen, ouais. Espagne, Portugal, Algérie, Maroc, Tunisie, le sud parfait. De la France. Ça va être un peu partout. Donc, vous pourrez suivre les dates sur mon Facebook. La page fan, c'est DJ Case, DJKYZ. Et sur donc, les réseaux sociaux, il y aura toutes juste les juste après le ramadan, dates. On peut te retrouver partout. Ouais, c'est ça. Juillet, août, ça, on va enflammer les dance floors. Profitez, passez une bonne soirée sur Skyrock entre minuit et peut-être 2h du mat. On va aller loin ce soir, ah oui, non, pour la ça. Dernière. Non. On a des gens en forme. Qu'est-ce qu'il y a alors ce soir dans Ce soir, ça va être le feu. Je te dis, dis-nous, ça va être le club, qu'est-ce été, vacances, ça va être la guerre. Et sachez aussi que tout l'été, on met les best-of et toutes les émissions de. Déjà ont déjà été enregistrés, on fait un mélange best-of et ça va être tous les dimanches, donc vous pourrez nous entendre. Exactement, tous les dimanches vous pourrez revivre les rails suprêmes de cette saison. Et là on attaque donc rails suprêmes, par contre ce soir inédit, non? Oui bien sûr, des inédits, on met tout vraiment vibe été summer 2016. Et ben allons-y, coup d'envoi de ce rail suprême. DJ Case au contrôle. Allez, c'est parti.

مليناش وما كاين باس هادي حياتنا ماشي حياتنا ربي حاسبنا وما مالو حبك موتيفيشن كيحرك سنسيشن بيبي لا دو ريليشن انا ندير كاع ريفيليشن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ماي بيبي جيرل اوه انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ماي بيبي جيرل كيفي دمتي ماشي بحالهم غدا ضي ضي ماشي بحالهم عمري انتي ماشي بحالهم ويلي ويلي ماشي بحالهم DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. J'suis en mode Emirates fly. Mon sexe est chaud mais le gilet par balle. Petit cigare chapeau de paille. Vert de rosé, ah j'suis dry. Elle a du style, aïe aïe aïe. Elle fait trembler les vilaines canailles. Benga benga mi amo. Pina colada chicha man si signor. Ouai ouai ouai bouge ton corps. Chemise ouverte, relax en or. Chicha man, si signor. Ouai, ouai, ouai, bouge ton corps. Chemise ouverte, Rolex en or. C'est la vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida loca. C'est la vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida loca. C'est la vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida loca. L'Algérino number one. La classe internationale. Elle se prend pour Rihanna. Elle ressemble à Biuna. Skyrock. Le plus aimé de toutes, ce n'est pas un mystère. Moi, tu vois, on écoute le son de la caisse claire. Tu fais la meuf exemplaire devant tes frères. Quand tu casses ta démarche, on a mal au vos serres. Tu fais la meuf droite, t'es perpendiculaire. Et quand je t'amène à l'hôtel, tu dis que tu vas rien faire. C'est ça depuis des années. Si j'ai bossé, bossé, ben c'est pour les centimes. J'fais du sale, mon refrain, l'équipe passe pas fané. J'vais les laisser dans le déni, car ce soir j'suis dans mon délire. Ouais, poussé, ça devient terrible. Parle pas trop de folie, mais mon bled, on est reconnu. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive. Appelle-moi en showcase pour ta soirée, je la pimpe. Comme corniche, allez, retourne-moi, je suis dans ma piscine. Yeah. T'es pas ta belle, on tient de la in-in. Bouffé de chaleur dans la rue, je fais mettre la clean-clean. Je suis avec Blanca à casa, c'est la dream team. Ça fume du tag, un pagaille, ça nous kill beat. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

est en chute et son bateau chavire. Il aimait à la mort, elle aimait à la vie. Il vivait pour elle, pouvait mourir pour lui. Mais il a trompé, elle a quitté le navire. Son cœur est en chute et son bateau chavire. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Elle a fait pleurer. DJ Kiss. Traumatisé. Faut que je la pète donc je vais pas trop teaser. J'y vais, je me calme, je vais pas trottiner. Je fais genre attitude, mais à deux doigts de queener. Je fais tour des maquerelles et je me renseigne sur elle. Si ça devient réel, les scènes seront censurées. Monsieur, calmez-vous, pas le temps pour les querelles. Tout concurrent sera éliminé. Elle fait mal, sexy, élégante, girl, pour elle c'est normal. Son charme fait de nous des sauts. Pas de sa taille. Rail Suprême sur Skyrock. Rail Suprême le dimanche soir, DJ Case est là pour la dernière. Tu vois qu'on s'éclate. Hein. La dernière, mais on va revenir quand même, bien sûr. Rassure-nous. On revient à la rentrée. Mais est-ce que tu as envie de revenir? Bien évidemment. Est-ce que tu as encore envie de mixer pour tout le monde? Ah oui, obligé. Avec quoi? Des nouveautés, du son, des inédits, nouveautés, vraiment des sons qu'on retrouve nulle part aussi. Et ça peut être aussi des créations de ma part. Et on met aussi la playlist de tout ce qui se passe en ce moment avec des inédits. On fait péter ça. On va rappeler qu'il y a évidemment l'album qui est dans les bacs aussi. Pour l'été, toujours. Par exemple, ceux qui vont partir en vacances, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire, Case? Bah, il faut aller acheter. Première mission, qu'est-ce qu'il faut aller faire? C'est pas très compliqué. Il faut aller au magasin. Demandez DJ Case ou DJ Case. DJ Case ou DJ Case. Peu importe. Voilà, il y a une vingtaine d'artistes dedans, nouveautés top avec le meilleur de l'été. Yeah! Et ben on continue dans quelques minutes? Bien sûr! Allez, c'est parti, la suite de Rail Suprême. Rail Suprême, minuit, 2h, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. خلينا احسن خوت وتكلها طفلش بال وكيف ما كان الحال كلامهم ما يرجعوا فيه وانا رصدي غيجيني وغد دمحي تخليتيني وغير بينك وبيني هوجهي لا طفرتي جاي تقولي سمحي لي خلينا احسن اخوت وديك الهضرة الافلام هدرة الأفلام العربية كلها وصيرة موت Bonnes vacances, c'est Rail Suprême sur Skyrock. Rail Suprême, avec Fred et DJ K sur Skyrock. Get to- nage avec finition. Quand on arrive, ça sent l'incorruption. Je roule en hybride, je veux pas de pollution. Je lève mon verre aux absents. Les billets claquent, ils sont brillants. Je lève mon verre aux absents. Faut tomber pas tous en prison. Les sacs vite tombent dans le coffre, dans le club, dans le bloc. Tout ça tape dans les portes. Je partage la cagnotte, on s'y rentre le sirop. Baby, t'es mon copilote. Gauche, droite, ça me s'amouraille. Tout à part la danse des voyous. Danger, faut que les représailles. C'est la danse des voyous. La rue nous colle à la peau. On va finir par se décimer. J'ai mon cigare, mon chapeau. Je vais vivre les rêves que j'ai dessinés. Ça c'est la danse des voyous. On t'apprend la danse des voyous. Vas-y danse comme un voyou. On t'apprend la danse des voyous.

sur le torse, t'as reconnu le logo Guarano. One tête comme un putain d'automo, elle est loin, l'époque de la Delidelo. Mon stylo est choqué, j'écris au stabilo. Ma chérie, dansant sur ce petit champ de mine comme Richard, tu sais que je vise dans le mille. T'as pris tellement de râteaux que t'es devenu jardinier. C'est le dîner, combien que t'invites à dîner. On est tous ce soir, pas loin de rue de la pompe. Puis j'arrive à Yep, demi de la terre, devant les chaînes, la casse à cause. Les femmes enceintes, un bâtiment de sixième étage, montant dans fil des perles. Je sais faire avec la petite cuillère, mais quand je marche à Yep, soudain tu décélères. Tu décélères avant que tu SLR. Et dans ton bled, tout le monde m'appelle du genre Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee, Happy Bee. No, you wanna know. Mon rêve d'enfance, un château de sable. Je donne tout dans les grandes et les petites salles. Hey, perdu dans les temps, pourtant je perds mon temps. Çıkmış koluna elin adam ve beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan? Gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip önde kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü bela, ya yanarsan. Seni gidip önde kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü bela, ya yanarsan. Tout le monde y a rien à faire, laissez-moi, je suis ailleurs. Je viens de voir un flash, histoire d'oublier le malheur. Elle m'a tapé dans l'œil, elle s'est trop mis en valeur. J'ai pris son hum, j'appellerai tout à l'heure. Pour l'instant, je suis avec mes potes, j'ai quand même valeur. J'ai pas la belle caisse, j'ai pas des millions. Certains me détestent parce que je suis mignon. M'a dit fais gaffe aux femmes, elles font des drames. Mauvaise de l'intérieur, elle te détourne avec son charme. Ma soirée est finie, y'a plus de timide. Je retourne la voir, elle s'est fait mimer. Laissez-moi dans mon monde, et laissez-moi dans mon monde. Laissez-moi dans mon monde. Laissez-moi dans mon monde. J'perds mes mots, j'sais plus quoi faire. T'es trop belle, tu m'as rendu fou. J'vois que toi de partout, mais pas de mon cul. J'perds mes mots, j'sais plus quoi faire. T'es trop belle, tu m'as rendu fou. J'vois que toi de partout, mais pas de mon cul. شنو عليا خبر البوليسية سي عادي للي عقلية حط راسي في الراية دير زوج شهود عليا خبر البوليسية طلع لي ماشينا وانقص روحي قبال يا الله جوزي فين جوزي فين نادر لي فيا عطيني صوالحي ولك ودير روح القانا ويا الرومية الرومية ونادر لي فيا عطيني قادتي ولك ودير روح القانا protocole parti. Yes, c'est la dégaine. On va encore vous faire ça dur. En direct sur Skyrock. DJ Kays, une collaboration à couper le souffle. C'est pas du bluff. Ce soir la fiesta est mortelle. Tu voulais du show, comme que sur moi j'ai déjà foutre le bordel. Tu penses dans tes oreilles, on a tout pour te faire oublier tes problèmes. Faire évader les esprits en musique, en délice, c'est ça notre domaine. Contre le stress, on te vaccine. Si fait, on est des machines. Quand on te place le dit, et quand il te fait de la machine, tu platines. Ok, tout le monde est debout, on va se défouler jusqu'au dégoût. Écoute, appelle tes époux, dis-le que c'est fou. Ce soir, c'est le meilleur des rendez-vous. Le public a redemandé d'accord. Tu peux pas faire le coin, c'est nous les bestes. On a tout pour mettre ta carrière en pièces. Parce que la musique est un business. On fait des tubes et aussi de l'espèce. C'est parti pour longtemps, tout le monde est content. Pour tous les malades, appelle-moi des montants. En matière de valeur, y'a pas plus important. Mon ami, maintenant la balle est dans ton camp. Rejoins-nous, vous en t'as pas besoin de billets. Voici la soirée que tu ne vas jamais oublier. Ok, tout le monde est debout, on va se défouler jusqu'au dégoût. Écoute, appelle tes écoutes, dis-le que c'est fou. Ce soir, c'est le meilleur des rendez-vous. Tout le monde est chaud dans le studio. Danser avec l'album de DJ Kai. ويلي ويلي وعوجوك عليا واش هذا هذا واش هذا هذا عليا واش هذا فركوك عليا واش هذا تي كيستو بشو هاشتاغ راي سوبريم L'album est sorti le 3 juin la famille Raï Suprême Soyez DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Raï Suprême. Show up. 5G, Ryan et ses conneries. À l'envers. Instagram, je suis prêt. Zardy, comme Rassé. On est feu sur les réseaux. La famille, branchez-vous, branchez-vous, on y sera. Algérie, Oran, Algérie, Algérie, Algérie, Algérie, Algérie, Algérie, Algérie, Algérie,

Je le sais, tu me trouves belle âme. Mamzelle, mamzelle, et qui de nous te tient parole. Mamzelle, mamzelle, le pouvoir d'achat qui t'assomme. À la guerre comme à la guerre, pas besoin de me dire que tu sors. Je le sais, ouais. One DJ Kaze sur Skyrock. Sans presse, c'est lui et moi. Et ce son, c'est fait pour vous. Tu sors de Marseille ou de Bombay, y'en a marre de faire la guerre. Combien de frères sont tombés? pas ton secteur. Nous les mondes naïfs, ça va y'a madame, mais c'est il faut avancer loin de moi. Je ne me laisse pas aller là. Il faut avancer, pas les problèmes s'entamager. Il faut avancer, alors ça t'est elle. Il faut avancer. On t'a pas dit de ne pas t'amuser avec rien qui suivait. Pourquoi? Imagine si c'est mon corps. Avec Khaled, je suis là. Avec quoi la belle? Oui, oui, t'es béni. On se fatigue jamais. Skyrock. keep them falling on. Got a big and battle bone. Takes me to my limit. Girl, when I break you off, I promise that you won't wanna get off. Comprennent pas. Des alertes en prison, certains n'en reviennent pas. J'ai qu'à lâcher des mouvetons tous sur le même toit. Toujours d'humeur à l'élever, que l'avenir suce mon troisième doigt. Non, moi je ne t'aime pas, ni celui qui est avec toi. Y'a que quand tu baisses ta daronne que je suis tout cœur avec toi. T'as même pas de quoi me faire fumer, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Eh, ara, ara, eh, ara, ara, ara, eh, ara, ara, eh, ara, ara, ara. J'parle de rue car j'y ai baigné, même si j'y suis beaucoup moins. J't'écris du bloc avec G-A-T-O, B-A-T-O, bougant moins. Y'a du son d'achat, du chien, ouais, B-T-I dans le coin. Grosse bulle dans l'achat du smic, coup de pied retourné dans le groin. Bombe nucléaire sur le game, il ne restera que moi et les rats. Quand je monterai dans l'Aveyron, jamais tu ne me reverras. Inspiré par la musique de ses descendants d'esclaves, ils achètent négros sur place publique pour rien n'est grave. J'ai couronne sur la tête, pourtant c'est le voisin qui a eu la fève. Il n'y aura jamais de trêve, mon Dimero du 93. Braise de poulet, loco, banane, le rap c'est haram. Génocide sur ces négros, j'vais les Boko Haram. Ne fais pas trop de bien ou tu seras cloué sur une croix. La rafale dans ta grand-mère arrivera plus tôt que tu ne crois. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodas. J'fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodas. J'fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. J'suis ni sur canal, ni sur Bouscapé. J'suis au canal ou au News Café. J'ai rien lâché, j'ai fait que taffé. Ils ont monté le volume, ils sont fait baffer. J'viens d'Afrique, j'suis marocain. J'fais des sons lourds et des sons coquins. J'respecte tout le monde, j'ai mon prochain. Mais des concurrents, j'en ai aucun. Et autour de moi, crois pas que ça dort. Ça vient d'Algérie, du Zaïre, des Comores. Si tu me vois plus trop à Bondi Nord, c'est que j'vais les choquer encore et encore. J'ai fait des millions, il me faut des milliards. En euros, des milliers, il me faut des millions. J'm'en fous des blabla, quand vous êtes d'Alia. Y'a comme ça que ma belle-mère me trouvera mignon. Limodono, son corps à moi, ni en la santé, y'a là. Limodono, limodono, limodono, limodono, son cœur que moi, ni en la santé, y'a là. Il y a mais bon, fallait lutter. Mais aujourd'hui, ça a payé. Comme quoi, fallait essayer. Le fichier Banque de France est nettoyé. J'ai réglé les factures et le loyer. J'ai fait des millions, il me faut des milliards. Un euro, des milliers, il me faut des millions. Je m'en fous des blabla, quand ou d'Alia. Y'a comme ça que ma belle-mère me trouvera mignon. Passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. C'est fini déjà pour ce Rail Suprême, Case. On va pas se retrouver avant quand ? Avant le fin août, début fin septembre. Août. Voilà, moi tu reviendras nous revoir le dimanche soir. Voilà, bien. Mais d'ici là, le dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Mais aussi, il y aura plein de best-of, plein de best-of, plein d'inédits, plein de musique en fait. Pendant ça change pas comme toute l'année. L'été, ça bouge pas. On est là et voilà, on met le best-of des émissions déjà enregistrées, les meilleurs moments. La musique pendant tout l'été. Et j'ai fait aussi des sessions spéciales. Tiens, gros big up Fabien, voilà. On a enregistré. Ouais, je voulais attendre, je voulais garder le meilleur pour la fin. Bien évidemment. Et saluer voilà. Fabien qui réalise l'homme de l'ombre. J'allais dire Planète Rap, mais Rail Suprême, c'est pareil. L'homme qui sombre. Et là, je sais pas si tiendra l'été en fait. Je sais pas si on le retrouvera à la rentrée. Avec le versi là. C'est juste le truc qui m'inquiète. Oh, oh, oh. Hey, oh. Toujours là, Case. Hein. Ah, d'accord. Merci en tout cas, Fab. Merci à toi, Case, en tout cas pour cette belle saison, vraiment, sincèrement. Bah, même moi. On a passé un super moment le dimanche soir. Ça fait déjà 3 ans que. Tu es prêt à repartir pour une 4e année ou oui, on arrête là? Non, on va continuer. On est si bien lancé. Et ben, on y va donc dès le mois d'août, fin août plutôt. Ouais. Ouais. Ça va dépendre du programme, mais non, fin août, on revient pour des émissions live. Et tiens, ce qu'on va faire, ce serait bien pour la rentrée, ce serait d'inviter des auditeurs comme ça, avec ceux qui font péter le hashtag Rail Suprême. Donc on peut s'inscrire sur tes réseaux. Voilà, sur mes réseaux ou sur Twitter avec le Twitter, c'est Rail Suprême, Skyrock. Et si vous voulez, chacun pourra avoir peut-être la chance d'assister à une émission Rail Suprême. Et bah parfait, donc rendez-vous dès la rentrée avec Rail Suprême. Merci vraiment, Case, à toi. Voilà, merci à vous. On rappelle que l'album est dans les bacs. Dans les bacs. On te souhaite une bonne fin de ramadan aussi, et à tout le monde aussi. Bien hein. Sûr, on le souhaite à moi tout aussi, monde, ouais. Bien évidemment. T'inquiète pas, je pense que tout devrait bien se passer. Et on se retrouve à la rentrée. Allez, et loupez pas le dimanche soir, on vous prépare vraiment des émissions inédites. De folie. Les best-of, le meilleur. Voilà. Et là, tu finis. Avec Idir aussi, Idir. La version kabyle de Idir. Merci à toi en tout cas pour cette belle saison, Case. Yes. Rendez-vous dès la rentrée avec DJ Case. Bon été à tous. Et bon été à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. C'est parti, le son de Skyrock rap R&B en non-stop. Ciao! Un iPad mini à gagner tous les matins dans Morning Best. Morning Best. Le meilleur du morning de Default sur Skyrock.